Chapitre 17e. La mort d'Odile amena de grands changements dans la vie de Geneviève. Non seulement des changements moraux par le chagrin qu'elle lui causa, le vide de cœur qui en résulta, le sentiment de la mort qu'elle dut admettre, mais encore des changements matériels dans ses habitudes et son travail. Bien que M. de Mussidan sût peu ce qui se passait chez ses voisines, ses gens d'en face n'étant point dignes qu'il s'occupât d'eux, il n'avait pas pu ne pas apprendre cependant le dur labeur auquel cette petite était condamnée. « Oh, maman, si tu savais comme Odile est fatiguée aujourd'hui !» disait souvent Geneviève pendant les repas. À cela, il avait toujours répondu « C'est qu'elle n'a pas de courage, les enfants doivent travailler !» Et chez lui, cette réponse n'avait jamais été que théorique, une opinion sur le travail et les devoirs des enfants qu'il exprimait, car au fond, il était complètement indifférent que cette petite fût ou ne fût pas condamnée à un dur labeur. Quand un père ou une mère font beaucoup travailler un enfant, c'est qu'ils ont besoin que cet enfant travaille beaucoup, voilà tout. Les enfants ne sont pas au monde pour s'amuser. Mais à l'enterrement de cette petite où il avait été pour faire honneur à ses gens, il avait entendu certains propos qui lui avaient donné à réfléchir sur la méthode de travail imposée par Mme Guesfiller à ses enfants. Le chagrin de cette pauvre mère fait peine à voir. Elle a d'autant plus de chagrin qu'elle peut se reprocher d'avoir tué sa fille. C'est donc vrai qu'elle la faisait trop travailler. 12 heures par jour, sans jamais de repos, sans jamais sortir, une enfant toujours enfermée, ne prenant pas l'air, claquemurée dans une chambre et attachée à son piano du matin au soir, elle est morte à la peine. C'est étonnant qu'elle ne soit pas morte plus tôt, car elle était malade depuis longtemps, n'est-ce pas? Malade, non pas précisément. On n'a pas le droit d'être malade chez Mme Guesfiller, mais souffrante, chétive, une mine affreuse, les os se déformaient. La crise s'est déclarée au moment où elle allait devenir une jeune fille. Il n'a pas eu la force de la surmonter. Il aurait fallu l'exercice, le séjour à la campagne, les bains de mer, une nourriture substantielle. C'est une leçon pour elle. Trop tard. Ce ne fut pas seulement pour Mme Guesfiller que cette mort de la petite Odile fut une leçon. En écoutant ces propos qui s'échangeaient autour de lui, M. de Mussidan s'inquiéta, et lorsqu'en sortant du cimetière de Saint-Ouen, il gagna les Champs-Élysées pour faire sa promenade ordinaire, plus d'une fois, il se répéta un mot qui l'avait frappé. Ce n'est pas seulement en faisant porter aux enfants des fardeaux trop lourds qu'on les tue. Ce n'était pas son habitude, lorsqu'il se promenait, de se laisser aller à ses pensées. Il se promenait pour se promener, pour se distraire, pour voir ce qu'il y avait de curieux, pour se montrer lui-même et recueillir sur son passage les coups d'œil approbatifs, les murmures flatteurs qu'il se croyait sûr de provoquer partout où il passait. Et il y avait là de quoi l'occuper pleinement. Mais ce jour-là, il n'avait rien remarqué, rien entendu autour de lui. Ce n'est pas seulement en faisant porter aux enfants des fardeaux trop lourds qu'on les tue. Si on avait tué la petite des gens d'en face, on pouvait donc aussi lui tuer sa fille. Lui tuer sa fille? Mais il aimait sa fille. Mais il avait bâti sa vie sur elle. Mais il s'était marié pour elle. Mais en plus de ses qualités morales qu'il appréciait plus que personne, en plus de sa gentillesse, de son charme, elle valait 3 millions, cet enfant. Comment ne l'avait-on pas averti que le piano pouvait la tuer par un excès de travail? Est-ce qu'il savait cela, lui? Est-ce qu'il connaissait ces machines-là? Pour lui, cela était tout simplement un instrument ennuyeux, comme les autres, d'ailleurs. Mais il ne savait pas que ce pouvait être aussi un instrument homicide. Sa fille n'était-elle pas déjà malade? Cette pensée l'avait si furieusement angoissé qu'il avait interrompu sa promenade, ce qui ne lui était pas arrivé depuis plus de 10 ans, pour entrer à Montmartre. Il avait hâte de voir, de savoir. En montant sous l'escalier, il avait entendu un piano, le sien, et reconnu l'exercice que sa fille étudiait depuis quelques jours. Comment? Elle était au piano? Mais c'était absurde, cela! Il avait vivement ouvert sa porte et s'était précipité dans son salon. « Pourquoi travailles-tu? » Surprise par cette question, elle l'avait regardé sans répondre. « Pourquoi travailles-tu? » « Mais parce que c'est l'heure de travailler. Cela ne fait rien que je travaille. Je n'en pense pas moins à Odile. » Elle dit cela tristement, avec des larmes dans les yeux. « Il ne s'agit pas d'Odile, il s'agit de toi. Viens ici !» Elle quitta le piano et vint à son père, qui s'était placé dans l'embrasure de la fenêtre, tournant le dos au mur. « Regarde-moi en face !» Elle le regarda, un peu inquiète. « Qu'avait-elle donc fait ?»« Tu n'es pas plus pâle que de coutume ?» Elle ne répondit pas. « Je te demande si tu n'es pas plus pâle. »« Mais je ne sais pas. »« Tu ne te sens pas malade ?»« Mais non !» « Réponds-moi franchement. Ce n'est pas pour te gronder que je t'interroge. Si tu étais malade, ça ne sera pas ta faute. Je ne suis pas malade. As-tu bien déjeuné ce matin? Vous avez vu? Mais non, je n'ai pas vu. J'étais préoccupé. Je n'ai pas fait attention à ce que tu mangeais. Avais-tu faim? Non. Ah, tu n'avais pas faim? Pourquoi n'avais-tu pas faim? Parce que je pensais à Odile. Justement, il y avait des saucisses au chou rouge. Elle se mit à pleurer. Et les saucisses au chou rouge, c'était tout ce qu'Odile aimait le mieux. C'est stupide de penser aux autres quand on mange, surtout de penser aux morts. À quoi cela leur sert-il? Je ne l'ai pas fait exprès. On pense à soi. On mange pour soi, des choses substantielles qui vous nourrissent. Donne-moi ta main. Il la lui tâta, il la lui palpa longuement, puis ensuite il lui palpa les bras. Cela ne te fait pas mal? Non. Dans les os? Pas du tout. Tu en es sûr? Mais oui. De la poitrine? Dans les jambes? Ni dans la poitrine, ni dans les jambes. Allons, tant mieux, c'est bien. Mais si jamais tu te sentais mal, dis-le-moi, tu entends, tout de suite. Oui, papa. Après un moment d'attente, voyant qu'il ne lui adressait plus de questions, elle se dirigea vers son piano pour reprendre son travail, mais il la retint. « Assez de travail aujourd'hui, je ne veux pas qu'on se fatigue. »« Mais si je ne travaille pas, je vais trop penser à Odile. »« Je ne veux pas que tu penses à Odile, je veux que tu te distraies, que tu t'amuses. »« Lis, saute, danse, fais ce que tu voudras. » Ce qu'elle voulut, ou plutôt ce qu'elle fit, ce fut, lorsqu'il la laissa seule, de penser à son ami et de pleurer. Bien surprise fut sa mère quand elle lui dit que son père lui avait défendu de continuer à travailler et lui avait ordonné de lire, de s'amuser. Que se passait-il donc? C'était la première fois qu'il paraissait s'apercevoir que sa fille travaillait. Ce fut seulement le soir, quand Geneviève fut couchée et ne put entendre ce que disaient ses parents, que Madame de Mussidan eut l'explication de cette intervention extraordinaire. « Savez-vous, madame, que je vous trouve bien imprudente ? » dit-il sévèrement. C'était donc elle qui était le coupable. Qu'avait-elle fait? Quand vous avez voulu que votre fille étudie avec cette madame Raphélis pour concourir au conservatoire, je ne vous ai pas fait les objections qui se présentaient à mon esprit. Vous étiez si bien féru de cette belle idée que je n'ai pas voulu vous contrarier. Mais je pensais que votre tendresse maternelle saurait maintenir votre ambition dans de sages limites. Cela s'est-il réalisé? Je ne vous comprends pas. « Dites que vous n'osez pas me comprendre. Je m'explique. Votre fille n'a-t-elle pas trop travaillé? Voilà une mort qui doit nous servir d'exemple, car cette petite a été tuée par sa mère. Par le travail forcé auquel sa mère l'a condamnée. Si vous aimez mieux, n'avez-vous pas condamné aussi la vôtre à un travail trop dur? Mon Dieu, qui vous fait craindre? Ma sagesse, ma tendresse paternelle. Pour vous laisser le soin de l'éducation de Geneviève, je ne l'ai pas abandonnée. Je la surveille de haut, et Dieu merci pour elle, je suis là, attentif. Tandis que vous vous laissez séduire par cette madame Raphélis, qui me paraît une enjôleuse, moi qui me tiens au loin, je juge les choses et je les pèse. Eh bien, je vous déclare que je ne laisserai pas exploiter ma fille. Mais je vous assure que Geneviève ne travaille pas trop, s'écria-t-elle épouvantée. Vous n'en savez rien, elle n'est pas malade. Vous n'en savez rien. D'ailleurs, il serait trop tard si elle était malade. Je dois veiller à ce qu'elle ne devienne pas malade, et voilà pourquoi je vous signifie que dès demain, je la conduirai chez Carbonneau, à qui je demanderai une consultation. Je ne veux pas que par ignorance, vous exposiez la santé de ma fille. Je ne veux pas qu'on tue mon enfant, comme on a tué cette petite des gens d'en face. »